la pollution de l'environnement, la pollution qui est faite sur Terre de l'environnement, qui est dénoncée notamment par les écologistes, est en relation avec le fait que la science de nature matérialiste n'est pas en harmonie avec la science de l'esprit. Donc, les déséquilibres qui sont occasionnés sur le plan physique avec les problèmes de pollution, de production en grande quantité de gaz carbonique et ainsi de suite, sont en lien avec le fait que l'être humain ne procède pas d'une science intégrale. Donc, si l'être humain serait totalement en harmonie avec l'esprit, il n'y aurait pas ce type de problématique. Si on pense, par exemple, par rapport au transport, donc, si l'être humain utilise une automobile, utilise un camion, ensuite utilise un train pour se déplacer ou un avion, ça va produire des gaz à effet de serre. Mais si l'être humain aurait une conscience totalement intégrée et serait en totale fusion avec l'esprit, eh bien, à partir de la puissance de sa volonté intégrale, il pourrait commander des déplacements de son corps physique et se rematérialiser sur le plan physique à l'endroit voulu. Mais ça, c'est pas accessible à l'être humain. Donc, c'est sûr que moi, en tant qu'ego, en tant qu'être humain, je pose la question à présent au plan de la lumière. Pourquoi que vous permettez pas aux êtres humains de se matérialiser et dématérialiser sur le plan énergétique pour pouvoir se déplacer? Comme ça, il n'y aurait plus de problème de pollution lié à l'utilisation de véhicules de transport, que ce soit d'automobile, d'autobus, un camion, et ainsi de suite. Et puis là, ce que ça me dit, c'est que l'être humain, présentement, est trop orgueilleux et trop inconscient et n'a pas la stabilité psychique pour intégrer suffisamment de lumière et des descentes d'énergie suffisamment grandes pour avoir le taux vibratoire qui lui permettrait de se matérialiser et dématérialiser à la volonté. Donc, comme l'être humain, si les plans de la lumière lui descendraient la quantité d'énergie suffisante pour accomplir ses actions, n'aurait pas la capacité de gérer ça intelligemment et qui risquerait de sombrer dans la folie, ben, c'est pas accessible à l'être humain. Mais là, à ce moment-là, c'est pas accessible à l'être humain. On se ramasse avec des problèmes de pollution parce que là, l'être humain va utiliser des véhicules automobiles pour se déplacer et autres. Les plans de la lumière me disent oui. Puis, si je pose la question au plan de la lumière, qu'est-ce que vous allez faire pour remédier à la situation? Ben, ils me disent que éventuellement, ils vont donner accès à l'être humain à des formes plus subtiles, plus raffinées de véhicules sur le plan physique pour se déplacer. Par contre, le point, c'est qu'eux autres ne peuvent pas descendre l'énergie suffisante pour que l'être humain n'ait plus besoin d'utiliser des véhicules physiques pour se déplacer et qu'il choisisse son propre véhicule en se matérialisant puis rematérialisant où ce qu'il veut en termes de transport, parce que l'être humain n'est pas capable de prendre ça. Fait que là, ça crée des problématiques liées, par exemple, à de la pollution. Il y a des gens qui développent des problèmes pulmonaires dans des grandes villes. Et les plans de lumière me disent que ces problématiques sont inhérentes à la condition évolutive de l'être humain, dans ce sens que l'être humain, tant qu'il n'est pas fusionné totalement avec nous autres, il y a tout le temps un différentiel ou un manque énergétique. Puis ce qu'ils me disent, c'est que fondamentalement, les problèmes de surexploitation de l'environnement qui font en sorte qu'il y a entre autres des espèces en voie d'extinction à l'époque présente, c'est lié au fait que l'être humain, de par sa condition évolutive, le fait qu'il n'est pas totalement rattaché à nous et ne procède pas d'une conscience intégrale, est en manque d'énergie. Donc l'être humain a une relation d'exploitation par rapport à son environnement pour compenser un manque d'énergie. Comme par exemple, l'être humain se nourrit sur le plan physique. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de se nourrir de l'énergie fondamentale qui provient du cosmos, étant donné qu'il n'a pas la capacité de l'absorber totalement, vu qu'il n'a pas les corps qui sont prêts pour ça présentement. Comme il ne peut pas se nourrir de l'énergie fondamentale de l'univers, qui est inhérente partout, étant trop vibrante par rapport à sa capacité d'interception dans sa structure aurique, bien à ce moment-là, l'être humain n'a d'autre choix que de se tourner vers la matière, donc de manger de la nourriture, que ce soit végétale, animale. Et la nourriture, c'est quoi? C'est de l'énergie qui est densifiée. comme il ne peut pas se nourrir de l'énergie à l'état brut directement, il doit se nourrir de l'énergie densifiée. Et là, si je pose la question au plan de la lumière, bien, intrinsèquement, la condition évolutive fait en sorte que l'être humain va avoir des rapports de prédation, d'exploitation des plantes, des animaux. Puis ils me disent oui. Mais là, si je vous pose la question, est-ce que ça, c'était voulu à la base, quand que vous avez créé l'être humain de l'époque actuelle qui exploite la nature? Il dit oui, l'être humain devait apprendre à maîtriser la nature. Mais ce qu'ils disent par contre, c'est que l'astralisation de l'être humain a amené une surexploitation de la nature puis un manque de discernement dans sa gestion. Et l'exploitation de la nature, que ce soit à travers l'élevage d'animaux, ensuite l'élevage de plantes, puis si on pense à l'élevage d'animaux intensifs, on en regarde par exemple dans une porcherie, les porcs qui sont en grande quantité, ça fait penser un peu à une chaîne de montage ou à un camp de concentration. Les plans de la lumière n'ont pas nécessairement voulu ça. Par contre, le point, c'est que les plans de la lumière, ce qu'ont voulu, c'est créer un être qui allait développer un ego individuel séparé d'eux pour se doter d'une sens d'individualité et lors de la remontée sur le plan énergétique, d'intégrer leur intelligence tout en conservant son individualité pour devenir un interlocuteur avec les plans de la lumière. Parce que si l'être humain n'aurait pas connu de dissociation des plans de la lumière, il n'aurait pas pu développer une identité propre parce que son identité aurait toujours été associée à eux. Mais là, l'aide de la fusion, en passant à la fusion, parce que souvent quand on parle de la fusion, on parle d'un mariage entre les plans de la lumière puis de l'âme, donc entre l'esprit puis l'âme. Mais la fusion, c'est pas un retour à l'état initial avant que l'âme descende dans la matière, mais c'est l'état d'une construction d'un être intégral qui va être la résultante d'un processus d'individuation de l'âme dans la matière, plus l'intelligence cosmique universelle de l'esprit. Et le mariage des deux donne un être qui est unique dans le cosmos, un être individué. Parce que si l'âme ne serait pas séparée de l'esprit, il n'y aurait pas eu de processus d'individuation possible parce que l'âme aurait été dans un état de conscience branché à une collectivité psychique d'être sur les plans de la lumière. Donc, un peu comme une fourmi qui procède en fonction d'un esprit de groupe. Mais c'est subtil et c'est complexe parce que quand on regarde le processus d'incarnation, ben, d'un côté, le processus d'incarnation a permis un différentiel énergétique entre l'âme et l'esprit qui a permis une individuation. Par contre, ça a amené l'âme, en s'incarnant dans la matière à travers un corps biologique, à nouer avec son environnement des rapports de prédation ou d'exploitation. Donc, je pose la question en tant qu'ego au plan de la lumière, parce que j'ai écouté récemment un documentaire à la télévision, c'est sur Internet, qui va dénoncer l'exploitation de l'environnement par l'homme, qui explique que pendant des millénaires, la nature a pris beaucoup de temps à se développer, puis là, en moins de 100 ans, avec l'accélération de l'industrialisation, on est en train de détruire à grande vitesse l'ensemble de la biodiversité sur Terre. Il y a de nombreuses espèces en voie d'extinction. Puis là, c'est sûr, en écoutant ça, puis en réalisant que je vis à travers un corps physique, puis je me nourris de nourriture, que ce soit des plantes, que ce soit des animaux aussi, ça me fait vibrer à de la culpabilité. Donc, l'esprit dit, c'est sûr que si tu t'identifies à une morale écologiste, comme autrefois les gens s'identifiaient à une morale religieuse, tu vas vibrer de la culpabilité. Parce que, dans le fond, si tu crois que le fait que tu consommes intrinsèquement ta condition existentielle est une forme de péché ou une forme de tort à l'environnement, c'est un problème. Parce que dans le fond, le fait que tu consommes de la nourriture pour t'alimenter, si tu ne peux pas faire autrement, c'est une nécessité biologique. Donc, c'est sûr que la question de savoir est-ce que je devrais réduire mon empreinte carbone, la consommation que je fais, Il dit, tu devrais pas penser à réduire, parce qu'il dit, si tu penses psychologiquement à réduire, ben, tu risques de plus sortir chez toi, parce que si tu te sens coupable à chaque fois que tu fais un déplacement en voiture, autre que pour des nécessités comme le travail ou aller chez le médecin ou faire l'épicerie, tu vas voir des amis en voiture, puis là, c'est pas nécessaire, c'est pas essentiel. Si tu te sens coupable par rapport à ça, tu ne feras plus grand-chose tantôt. Donc, si tu as besoin d'une automobile pour te véhiculer parce que tu n'as pas la capacité psychiquement de te matérialiser puis de dématérialiser pour te véhiculer à un endroit donné, ce qui ferait en sorte que tu n'aurais aucune empreinte carbone, parce que le fait que l'être humain, lorsqu'il va être capable de gérer la matière et de faire varier son taux vibratoire en fonction de sa volonté, ben là, il n'y aura plus de problème de pollution sur le plan physique. Mais si tu attends d'être rendu à ce stade-là pour commencer à vivre, il dit, t'as un problème. Il dit, continue à vivre. Par contre, il dit, au lieu de vivre en fonction d'une morale écologiste, comme un peu autrefois les gens vivent en fonction d'une morale religieuse, vis en fonction de ta vibration, c'est-à-dire vis en fonction d'un rapport intelligent avec nous qui va te donner une mesure les déplacements que tu as à faire ou non. Puis dans le fond, ce que ça me dit aussi, c'est que même si quelqu'un, par exemple, par excès de zèle écologique, arrêtait de consommer, puis de consommer au minimum, ben c'est que ça limite sa vie, puis ça limite ses capacités aussi d'évoluer. Dans le sens que si la personne, elle se sent coupable à chaque fois qu'elle mange, puis elle mange le minimum, puis elle n'a plus d'énergie physique, ou elle n'en a pas beaucoup, parce que chaque fois qu'elle mange, ben ça occasionne des dépenses d'énergie qui occasionnent la production de gaz à effet de serre, parce que la nourriture est transportée par camion, les animaux sont nourris par des grains qui sont transportés, ainsi de suite. Si une personne pense comme ça sur le plan psychologique, elle se limite. Elle s'empêche de vivre l'expérience humaine, puis c'est pas parce qu'elle réduit sa pollution que ça veut dire que les gens dans son environnement vont devenir conscients, puis eux autres aussi simultanément réduire la pollution. Puis ça va pas nécessairement faire en sorte que les problèmes de la Terre vont se régler. Les problèmes de la Terre sont inhérents à sa condition évolutive et à l'incapacité de ses habitants qui en ont la gestion sur le plan physique. C'est-à-dire les êtres humains présentement, d'en faire une gestion adéquate liée à l'inconscience. Puis leur inconscience est fondamentalement liée au fait qu'ils ne sont pas en fusion avec les plans de la lumière. Le fait qu'ils ne sont pas en fusion avec les plans de la lumière est lié au fait qu'ils n'ont pas la capacité de soutenir cette vibration, ce qui fait en sorte que comme ils ne peuvent pas se nourrir intérieurement de la vibration des plans de lumière, bien, ils doivent se nourrir de la vibration qui provient de l'environnement qui est diluée à travers les formes de vie biologiques, que ce soit les animaux, les plantes. Et c'est sûr que eux autres, les plans de la lumière m'expliquent qu'à quelque part, c'est intelligent qu'il y ait une conscience écologique qui se développe pour minimiser les dégâts liés à la surexploitation des forêts, que ce soit la forêt amazonienne, la surexploitation des océans, la surexploitation aussi par rapport aux animaux là, en voie d'extinction, là, que ce soit en Afrique, les éléphants, les rhinocéros, et ainsi de suite. Par contre, ils disent le point, c'est que l'être humain, en fait, ils disent, au lieu de vivre en fonction d'une morale écologique, que l'être humain vive en fonction d'une morale vibratoire s'il en a la capacité. Parce que de s'assujettir à une morale écologique, c'est de s'assujettir à une forme. Donc, autrement dit, si quelqu'un, par exemple, sur le plan vibratoire, a la vibration que c'est pas intelligent de s'acheter un véhicule utilitaire parce qu'il ne l'utilisera pas, puis s'il l'achète, c'est juste simplement pour nourrir son ego parce qu'il trouve ça beau sur le plan esthétique. Le fait de sentir la force du moteur du véhicule lui donne un sentiment d'être en puissance qui nourrit une dimension animale et astrale en lui. Si la personne est consciente qu'au moment de faire un choix d'un véhicule, que c'est pas nécessaire par rapport à la nature de ses déplacements, de s'acheter une voiture qui consomme beaucoup d'essence et qui a la vibration pour ça, au niveau de l'esprit, ben, il faut qu'il tasse la vibration astrale qui lui propose de s'acheter un véhicule utilitaire alors que ce n'est pas un besoin. De toute façon, si on fait abstraction de la question de réduire l'empreinte carbone de l'être humain et de la pollution, le simple fait au niveau économique, basique, d'acheter un véhicule qui va dépenser plus d'énergie puis qui donne un rendement qu'on ne peut pas utiliser à son plein potentiel, c'est pas efficace, c'est pas effectif dans une pure logique économique. Donc, c'est une perte d'énergie. Donc, c'est sûr que si la personne a une conscience qui lui permet d'optimiser ses déplacements puis de ne pas surconsommer sous la dictée astrale, en fait, l'être humain. Ah, c'est intéressant. Ce que ça me dit, c'est que l'être humain ne s'assujettit pas à des croyances liées à l'écologie puis à des valeurs écologistes comme autrefois les gens s'assujettissaient à une religion pour avoir l'impression d'avoir accès à une forme de rédemption psychologique puis à éviter un sentiment de culpabilité. Mais ce qu'ils disent, les plans de la lumière, c'est que l'être humain parle avec eux pour autoréguler le comportement d'une manière intelligente. Donc, autrement dit, si l'individu est capable de traiter avec l'esprit, c'est sûr qu'il consomme, il surconsommera pas. Parce que l'esprit cherche pas à amener l'individu à remplir des vides intérieurs en fonction de la consommation. Donc, autrement dit, les problèmes de consommation sont entre autres liés au fait que l'individu souffre intérieurement. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas l'ordre dans sa psyché. Pourquoi il ne fait pas l'ordre dans sa psyché? C'est parce que souvent, il est inconscient. Il a peu ou pas de capacité d'introspection. Donc, c'est sûr que si l'être humain, par exemple, vit une émotion de la tristesse qui est entretenue par une entité astrale qui lui dicte dans sa tête la pensée « tu te sens triste, tu te sens triste », ben là, l'individu, quand il a toujours ces pensées-là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il peut vouloir consommer quelque chose, par exemple, aller au cinéma pour se changer les idées parce qu'il vit d'une manière compulsive un état de tristesse qui lui est suggéré par l'astral, puis comme il nourrit l'émotion en lien avec la pensée qui lui est suggérée parce qu'il pense que c'est lui qui pense. Donc, lorsque ça est dit dans sa tête « je me sens triste », il pense que c'est lui qui se dit ça parce qu'il n'est pas conscient que la pensée vient d'ailleurs, qu'une entité sous le superfuge du « je » lui envoie dans la psyché la pensée qu'il est triste. Tu n'es pas capable de voir ça en pleine face. C'est sûr qu'à ce moment-là, il a besoin d'aller au cinéma, il a besoin de faire des sauts extrêmes en bungee, il a besoin par la suite de faire des voyages en avion, il a besoin d'un paquet de choses sur le plan matériel pour être capable de se sentir dynamisé par son environnement parce qu'il ne l'est pas par son intériorité, parce qu'il n'est pas capable de s'opposer à la pensée et à l'entité qui lui dit qu'il se sent triste. Donc, si l'individu se sent bien dans sa peau, il n'a pas besoin de compenser en consommant et en surconsommant pour un vide intérieur. Donc, autrement dit, quelqu'un qui est bien dans sa peau, puis il est équilibré, bien, il a moins besoin de compenser pour se sentir vivant puis dynamisé parce que le simple fait d'être capable de discuter avec le plan mental lui permet de s'auto-régénérer au niveau énergétique dans sa psyché et être dynamisé par lui-même. Donc, c'est sa parole qui se dynamise, qui le dynamise. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de surcompenser. La surcompensation et la surconsommation est en relation avec le fait que l'être humain a de la difficulté, entre autres, de faire la distinction entre c'est quoi ses désirs et ses besoins réels. Donc, quelqu'un qui vit beaucoup au niveau de l'ego, il voit une belle paire de souliers sur Internet, il en commande une autre belle paire, il en commande une, il vit tout le temps au désir, puis il y a une entité qui va lui dire « Ah, ben, t'as telle belle paire, achète-la. Telle paire, achète-la. » S'il n'est pas capable de dire non, puis là, après ça, il se ramasse avec 30 paires de souliers chez lui, puis il participe à ce moment-là à la surconsommation, ben, c'est lui qui en paye le prix, surtout s'il en vient à s'endetter pour surconsommer des produits. Et c'est sûr que les problèmes environnementaux liés à la surconsommation, parce que ça produit de la pollution, ça produit des gaz à effet de serre de déplacer ces souliers-là qu'on fait venir là, par commande là, sur Internet là, pour que ça soit livré chez soi. Donc, tout ça, c'est en lien avec une incapacité, dans beaucoup de cas, de l'ego de dire non à l'astral, non au désir, pour être capable de vivre strictement en fonction des besoins. Vivre en fonction des besoins pour quelqu'un qui vibre beaucoup à l'astral, qui peut intérioriser, ça a l'air ennuyeux parce que la personne consomme sur le plan matériel ce qu'elle a besoin. Donc, c'est un petit peu comme, par exemple, là, il y a plusieurs images qui me viennent en tête. C'est pour ça que ça bloque un peu. OK, il dit, ah, regarde, dans le passé, les Amérindiens, quand ils chassaient, par exemple, un animal, c'était pour leur consommation directe, immédiate. Donc, il allait pas, par exemple, faire l'exploitation d'un troupeau complet d'un animal donné jusqu'à l'amener à l'extinction pour le vendre sur le marché. Non, il consommait ce qu'il avait besoin. Et puis, il dit l'être humain devrait consommer ce qu'il a besoin. D'ailleurs, il dit c'est ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens en Occident qui ont des problèmes de poids. Pourquoi? Ben parce qu'ils consomment plus ce qu'ils ont besoin dans certains cas. Bon, c'est sûr qu'il peut y avoir des conditions biologiques de programmation qui amènent à l'obésité, entre autres, mais il dit, l'esprit, quand je parle, il dit que voyons, je perds le fil. OK. Il dit les problèmes de surconsommation au niveau de l'alimentation sont liés au fait que l'ego cherche à se dynamiser à travers la forme plutôt que la vibration. Ah, là, c'est intéressant. Parce que le problème fondamental de l'être humain, c'est le fait qu'il n'est pas capable de se dynamiser avec la vibration. Tant que tu n'es pas capable de générer par toi-même une vibration à travers ta parole, à travers tes actions, quand tu n'es pas capable de la manifester puis de la générer comme étant un foyer qui s'allume, qui rayonne, ben, tu vas chercher à consommer puis à surconsommer pour compenser ce vide intérieur. Et comment générer cette vibration-là? Ben, c'est en la canalisant. Puis comment canaliser la vibration? Ben, c'est en étant en contact avec les plans de la lumière. Puis pour être en contact avec les plans de la lumière, c'est qu'il faut qu'eux autres, ils se branchent à vous autres. Fait que là, ça, vous pouvez pas le déterminer le moment. Mais lorsque vous vivez le contact avec les plans de la lumière et que vous êtes branché psychiquement à eux, comme quelqu'un qui est branché sur le réseau Internet, par la suite, il peut utiliser cette connexion psychique pour faire une médiation avec eux. Donc, une fois que tu es branché avec eux autres, tu peux partir de toi vers eux, puis eux vers toi. Et c'est là, à travers cette médiation, qu'une dynamisation peut se faire, parce que lorsque vous communiquez avec nous, bien, à ce moment-là, il y a des descentes d'énergie. Et lorsque il y a des descentes d'énergie, que vous en intégrez votre aura, votre structure énergétique qui englobe le corps physique, est transmutée, elle est changée et altérée. Donc, à ce moment-là, vous n'allez pas vous sentir coupable par rapport à la destruction de l'environnement. Vous allez plutôt sentir responsable de votre vie, de la gestion de la consommation que vous faites selon votre vibration. Ce qui n'est pas pareil. Donc, autrement dit, au lieu d'être assujetti à la forme et à l'idéologie écologiste qui peut vous amener à vous sentir coupable parce que, à l'égard de l'environnement, comme autrefois, les gens se sentaient coupables et, étant des pêcheurs parce qu'ils étaient dans la religion catholique, ben, il dit, vous n'avez tout simplement qu'à vivre en respectant votre rapport intelligent à nous. Donc, si vous percevez de l'intelligence qui provient de nous, qui dicte votre action, ben, c'est d'agir en conséquence. Et c'est sûr que si vous ne le faites pas, ben, vous créez un déséquilibre énergétique. C'est sûr que la personne qui vous parle n'est pas parfaite. Moi-même, j'ai fait des actions qui n'étaient pas en harmonie avec les plans de la lumière au niveau supramental, dans le sens qu'à un moment donné, eux autres, ils m'ont dit de ne pas acheter un livre parce que le livre ne servirait à rien. C'était un livre qui valait 50$ que j'ai commandé sur Internet, mais comme j'avais une curiosité et une fascination par rapport aux soins énergétiques, la guérison, mais ça m'avait dit intérieurement, si tu achètes ça, tu ne vas pas appliquer à rien. C'est plus de la curiosité subjective, puis ça nourrit ton désir de l'ego, de l'impression de ton ego que tu vas pouvoir guérir et tu vas pouvoir faire des choses incroyables, presque miraculeuses. Donc, ça m'avait la mise en garde, je l'avais eue. Puis là, j'ai dit non, je vais voir qu'est-ce que c'est. Fait que là, j'ai acheté pareil le livre. Et là, j'ai regardé le livre. J'ai lu en diagonale, puis j'ai vu rapidement que j'avais pas la vibration de lire ça, puis que ça m'apportait rien. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une perte d'énergie, parce que quand même, le livre, il m'a coûté de l'argent. Et ça a été une dépense inutile. Par contre, ça a été utile par la suite de me faire réaliser que si je déroge de mon contact avec les plans de la lumière, ça peut m'amener à surconsommer des choses qui sont inutiles. Donc, autrement dit, avant d'acheter quelque chose, je peux faire une lecture vibratoire pour voir si c'est vraiment pertinent que j'achète cette chose-là. Donc, autrement dit, dans ce cas-là, j'ai acheté un livre et je ne le sentais pas. Je ne le vibrais pas intérieurement que c'était intelligent de l'acheter. Donc, eux autres, ils m'ont dit, ben, c'est pas intelligent que t'achètes ça, ça te servira à rien. Puis là, moi, avec mon ego, puis mon orgueil, puis mon entêtement, je dis, je vais l'acheter pareil, on verra. Puis là, finalement, je suis obligé de leur donner raison parce que le livre n'a rien servi. Même chose, à un moment donné, j'avais été sur Internet et j'avais vu qu'il y avait des livres pour apprendre l'anglais avec des CD qui étaient en rabais. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais commandé des livres, puis là, comme c'était un rabais, puis là, c'était jusqu'à épuisement des stocks, ça m'a fait vibrer à l'urgence, à l'astral. Donc, une technique de vente que des fois les vendeurs utilisent, c'est de dire « cette offre est pour une durée limitée ou jusqu'à épuisement des stocks ». Donc, ça met une pression pour acheter, consommer. Ça nous fait vibrer à la peur, à l'insécurité. Donc, ça peut nous astraliser et nous amener à surconsommer pour dans l'optique d'avoir un rabais. Donc, c'est sûr que j'ai été pris dans cette dynamique-là. Et comme le livre, dans le fond, j'étais fasciné par lui, il coûtait pas cher, c'était avec des CD aussi pour apprendre, mais j'avais pas la vibration que j'utiliserais. Mais j'ai dit, ah, c'est une opportunité à pas manquer. J'étais dans l'ego. Non seulement je l'ai acheté pour moi, mais je l'ai acheté aussi pour ma compagne d'alors. Fait que là, finalement, tous les deux, on n'a pas utilisé ces livres-là. Mais si j'avais écouté la vibration fondamentale, j'aurais pas commandé ces livres-là parce que je savais dans le fond que ça servait à rien. Mais comme j'étais orgueilleux, je les ai achetés pareil. J'ai dit au cas où qu'à un moment donné, je m'en sers. Mais là, quand que le temps passe, ça fait facilement 3 ou 4 ans que j'ai acheté ces livres-là puis je ne les ai pas encore utilisés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je n'ai pas la vibration pour ça. Puis je n'ai pas écouté la vibration. Ici, l'idée, c'est de vous donner des exemples concrets où, à quelque part, il y a eu surconsommation, mais c'est non pas de se culpabiliser à outrance par rapport à ce qui a été fait au passé, parce qu'on ne peut pas changer le passé, mais c'est utiliser ça comme tremplin expérientiel pour se redéfinir par rapport à l'avenir et raffiner sa capacité à agir en fonction de la vibration, tout simplement. Donc, l'idée, c'est de ne pas se sentir coupable par rapport au passé, parce qu'on a été manipulé dans notre inconscience par des forces astrales ou par des forces mentales, peu importe. L'idée, c'est d'être capable de tirer une intelligence expérientielle du passé tout en ayant accès à une intelligence instantanée associée à la capacité à canaliser la vibration des plans pour agir intelligemment dans le moment présent et pour l'avenir. Et c'est sûr que lorsque l'ensemble des êtres humains seront branchés au plan mental, il n'y aura plus de problème de surconsommation des ressources naturelles, que ce soit l'eau potable, que ce soit aussi les végétaux, les animaux. Il n'y aura plus de problème de déforestation parce qu'il y aura une gestion intégrale de l'environnement qui va se faire à la lumière de la science de l'esprit. Mais tant qu'on ne vit pas ça et que l'ego ne fonctionne pas en harmonie avec le plan mental, ben c'est là que les déséquilibres se font parce que l'ego manque de vision. En ce sens que l'intelligence de l'ego, par exemple, si on prend sur le plan économique, ça peut être très intelligent d'utiliser, par exemple, des hormones de croissance pour amener des animaux, que ce soit des poulets, que ce soit des bœufs, à grandir plus rapidement qu'ils ne devraient pour produire rapidement de la viande qui va se vendre, qui va permettre de faire de l'argent. Donc, sur le plan économique, c'est intelligent en termes de productivité. Mais au niveau de l'esprit, ben, c'est sûr que c'est un manque de sensibilité parce que, à quelque part, l'être humain force, impose un rythme de développement à l'animal qui n'est pas le sien fondamentalement. Donc, il y a un karma associé à ça parce que c'est une domination de l'être humain sur le règne animal. Mais en même temps, l'être humain, en fait, le simple fait qu'il exploite les animaux pour manger de la viande, c'est inhérent à sa nature involutive de l'époque présente, en ce sens que l'être humain n'est pas capable de canaliser directement l'énergie dans le cosmos pour s'alimenter et puis s'auto-réguler sur le plan énergétique pour ne pas avoir besoin de se nourrir de matière. Donc, c'est sûr que, en fait, là, c'est subtil puis c'est intéressant de l'aborder parce que là, on tombe dans des nuances. Est-ce que l'être humain a vraiment un karma par rapport au fait qu'il s'alimente, étant donné qu'il doit s'alimenter à l'époque présente, ben, pour ce qui est de l'ensemble de l'humanité, parce que l'ensemble des gens ne sont pas capables de canaliser essentiellement de l'énergie? Fait que l'esprit, dans le fond, si je pose la question, est-ce que c'est légitime que l'être humain s'alimente, que ce soit des animaux ou de la matière végétale? Il dit oui, parce qu'en ça, il pourrait pas continuer à vivre sur le plan physique. Bon, par contre, la nuance est là, c'est... Si l'être humain surconsomme des choses sur le plan biologique et qu'il crée du désordre, ben c'est sûr qu'il crée un déséquilibre énergétique. Donc, ce que ça me dit intérieurement, c'est que tant que l'être humain n'a pas accès à la fusion et à sa pleine intégration et à la capacité d'intégrer l'énergie qui provient du cosmos d'une manière instantanée pour s'auto-générer sur le plan cellulaire d'une manière automatique, il est mieux de continuer à manger de la viande puis des animaux sans surconsommer. C'est tout simplement ça la nuance. Ouais, c'est tout simplement ça. C'est sûr qu'il y a des nuances encore qui peuvent être plus grandes. C'est sûr que si l'être humain a la possibilité de se nourrir d'aliments qui sont certifiés dans le respect du vivant ou qui limitent les dégâts, c'est encore mieux, la vibration est plus haute. Donc c'est sûr que s'il peut se nourrir de poulet sans hormones, la vibration est plus haute que si l'animal a vécu une imposition de l'être humain. En fait, le simple fait qu'il y a eu l'involution, donc la descente de l'âme dans la matière qui s'est densifiée sur le plan énergétique, a occasionné des déséquilibres énergétiques qui sont inhérents à cette condition, parce que une âme qui a un taux vibratoire plus bas que l'esprit ne peut pas composer intelligemment avec les lois de l'esprit, parce qu'il y a un différentiel énergétique important entre les deux. Tu peux pas demander, par exemple, à un être en voie d'évolution, à un enfant, d'agir avec autant de maturité qu'un adulte. C'est impossible. Il peut pas faire ça du jour au lendemain. Donc, le temps de la transition, des déséquilibres sont permis dans la gestion de l'être humain par rapport à son environnement, bien que l'être humain en paie le coût involutif, c'est-à-dire les problèmes de pollution. Il y a des gens qui développent des problèmes pulmonaires liés à l'activité des entreprises de production industrielle et ainsi de suite. Il dit à l'esprit, avec le temps, l'être humain va se conscientiser par rapport aux problèmes environnementaux. Il va tendre à équilibrer la situation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, sur le plan collectif, ça y va petit par petit. Donc, ça va être long. Mais est-ce que, si je pose la question à l'esprit, est-ce que ça va être assez rapide pour, ne pas atteindre un point de bascule qui va faire en sorte qu'il va avoir une espèce de cercle vicieux lié au déclin de la civilisation présente? Je vais regarder c'est quoi la réponse qui émerge. Il dit, tant que l'être humain ne souffre pas, il ne change pas. Fait que là, si l'être humain, présentement, il exploite la nature puis il n'en souffre pas trop, il va continuer. Fait que là, le point de bascule est inévitable. Donc, si je pose à la question, est-ce qu'on va assister à une fin de la civilisation présente dans son état actuel? Il dit oui, c'est inévitable parce que ce n'est pas viable. La surexploitation de l'environnement, le fait que l'être humain consomme trop de ressources en trop peu de temps et que la tension augmente au fil du temps liée au fait que la population augmente d'une manière continuelle sous l'influence astrale et dictée de l'âme, ça fait en sorte que tôt ou tard, on va se trouver dans une situation problématique, dans le sens que l'économie de croissance, une rationalité économique basée sur l'ego de civilisation présente fonctionnant sur l'intellect a ses limites. Et un jour, vous allez atteindre les limites du système économique présent. En ce sens que l'être humain ne peut pas perpétuellement croître par rapport au territoire de la Terre. Premièrement, les territoires de la Terre sont limités à l'exploitation végétale animale. Donc, tôt ou tard, vous allez atteindre des limites. Et aussi, la population mondiale devrait être stabilisée. Vous m'entendez transpirer un peu parce que ça me crée une lourdeur. Moi, en tant qu'ego, d'être dans une situation qui va se dégrader au fil des prochaines années, ça me plaît pas. Ça me contrarie de canaliser du matériel qui va dans ce sens-là. Donc, moi, je vous partage ces choses-là, mais en tant qu'ego, ça me fait pas plaisir parce que dans le fond, OK, je suis orgueilleux, je l'avoue, dans le sens que c'est parce que le fait que je travaille avec les plans de la lumière puis je canalise du matériel puis ça m'amène à développer des actions dans mon quotidien en lien avec ça, en tant qu'ego, j'aurais comme le désir d'être exempté de la situation environnementale globale dans laquelle je me situe, parce que, à quelque part, entre guillemets, je tends à m'ajuster avec les plans de la lumière, quoique je ne le fais pas tout le temps, puis de manière perpétuelle, comme je vous l'ai mentionné tantôt avec des exemples, mais une volonté chez moi de travailler avec eux, puis ce qu'il me dit, c'est qu'il dit, même si tu travailles avec nous autres, puis tu t'ajustes à nous autres, tu ne peux pas empêcher une gang, un groupe d'individus inconscients de vivre les conséquences de leur inconscience. Tu peux pas abréger les souffrances humaines. Il dit, t'es pas Jésus. Il dit, faut pas que t'aies un complexe messianique. Il dit, pas parce que tu te conscientises puis tu parles au micro que tu vas empêcher l'être humain de subir les déboires involutifs inhérents à leur manque de conscience et d'intégration supramentale dans leurs actions. Il dit, tu peux pas faire ça. Il dit, les événements liés à la surconsommation humaine, la pollution, l'exploitation outrancière des forêts, de l'océan, des terres agricoles, il dit, l'être humain va en subir le contre-coup dans les prochaines années, les prochaines décennies. Puis, c'est sûr que quand je parle de ça, je trouve pas ça beau parce que c'est un petit peu comme un cercle vicieux, dans le sens que, par exemple, disons que présentement, il y a une inconscience qui fait en sorte qu'il y a une surpopulation de la Terre, qu'une impression, une... Comment il dit ça, donc? Il dit, vous avez l'illusion que vous pouvez constamment croître dans vos capacités, puis avec la rationalisation du travail, mais c'est parce que vous n'avez pas encore touché les limites de ça, puis vous approchez dangereusement de ça. Et c'est sûr que si la population n'est pas stabilisée, puis à un moment donné, les ressources naturelles sont limitées, puis vous n'êtes plus capable de faire une croissance exponentielle comme vous avez eu l'illusion de la faire dans les décennies, les siècles passés, vous allez vous heurter à un mur. Ce qui fait que si la population augmente et la quantité de ressources n'augmente pas, qu'est-ce qui arrive? Ben, les ressources coûtent plus cher. Et si les ressources coûtent plus cher, c'est qui en paie le prix? C'est les gens les plus pauvres. Et si les gens les plus pauvres ont moins accès à de l'argent ou à des ressources, et si simultanément, par rapport à un contexte dans lequel l'équilibre écologique est bouleversé par l'activité humaine et la production massive de gaz à effet de serre, il y a des changements climatiques qui s'opèrent simultanément, qui occasionnent des intempéries, qui occasionnent des pertes liées à des récoltes. Donc, si on mélange les deux choses dans les prochaines années, donc destruction de récoltes, augmentation de population, puis une instabilité des prix à la consommation liée au fait des perturbations environnementales sur le plan biologique. Et si on mélange, si vous dirigez vers ça collectivement, c'est sûr qu'il va y avoir des problématiques. Donc, si vous avez des milliers de réfugiés climatiques, si en même temps les prix de la consommation augmentent, ça va créer des tensions. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir du vol, il peut y avoir des pillages, et ainsi de suite. Fait que c'est sûr que par rapport à l'humanité, il va y avoir une transmutation qui va être une nécessité pour la survie de l'humanité qui devra s'opérer dans les prochains siècles. Donc, une transmutation psychique. Parce que l'être humain, dans son état actuel, n'est pas viable. En fait, tant que l'être humain est inconscient, au niveau cosmique, il n'est pas viable parce qu'il ne pourrait pas vivre sur d'autres planètes en harmonie avec les habitants. Donc, il ne peut pas être un citoyen du cosmos. Puis d'ailleurs, présentement, l'être humain discuté est un citoyen de la Terre lié au fait qu'il y a encore, à l'époque où sont prononcées ces paroles au micro, des problématiques de racisme, des problématiques aussi de lutte entre les peuples, de guerre. Donc, c'est sûr qu'il y a différents niveaux de problèmes présentement à la surface du globe. C'est sûr qu'en tant qu'égo, d'écouter par exemple des documentaires, parce que là, vous en avez plein là, sur Internet là, de nature écologique, qui dénonce l'activité humaine, qui nous explique qu'on se dirige tout droit vers le mur, vers des problèmes de pollution qui vont être extrêmement graves, liés à des surexploitations d'espèces, liés au fait que les espèces ne se régénèrent pas assez, puis pendant ce temps-là, la population augmente. Bien, c'est sûr que ça nous donne une mesure qu'à quelque part, il y a des changements qui devront s'opérer au sein de l'humanité. Et c'est sûr que la problématique des plans de la lumière par rapport à l'être humain, c'est que l'être humain, spontanément, n'a pas tendance à les écouter parce que l'être humain est sous influence astrale. Donc, tant que l'être humain, en tant qu'ego, a un orgueil qui n'est pas mis en échec, c'est sûr qu'il n'y aura pas nécessairement tendance à être intéressé par l'écologie ou ces choses-là. T'sais. C'est sûr que spontanément, on ne verra pas nécessairement une personne qui, du jour au lendemain, va dire « ben moi, j'arrête de consommer de la viande ou, par exemple, à surconsommer des objets de consommation sur Internet. » Non, il faut qu'il soit mis en vibration pour ça, puis pour qu'il soit mis en vibration pour ça, habituellement, il faut qu'il touche à de l'esprit. Puis en passant, l'esprit ne va pas nécessairement avoir des absolus comme le prônent certains écologistes. Il y a des écologistes qui vont dire, bon, l'être humain doit arrêter unilatéralement de consommer de la viande parce que chaque fois que vous produisez un kilo de viande, vous amenez l'animal qui génère le kilo de viande à consommer plusieurs kilos de végétaux. Donc, si vous voulez être plus efficace puis nourrir plus de personnes, eh bien, à ce moment-là, d'une logique purement liée à la quantité d'aliments produits, vous devriez manger directement les végétaux. Comme ça, vous auriez beaucoup plus de nourriture. Si, par exemple, pour produire un kilo de viande, ça vous demande la production de 10 fois plus de végétaux. Je ne connais pas les ratios exactement par mémoire. Ben à ce moment-là, ça veut dire que vous pourriez nourrir 10 fois plus de gens si tout le monde était végétarien. Mais ça, c'est dans une optique écologiste qui, d'une certaine rationalité, on dit ça, ça a du sens. Mais dans un autre côté, c'est que si les gens... dans certains cas, il y a des gens qui peuvent avoir la vibration de consommer de la viande. Donc, puis d'autres, des végétaux, c'est pas des absolus. Dans l'esprit, c'est pas des absolus, c'est individuel, cette affaire-là. Donc, quelqu'un peut avoir la vibration de consommer de la viande une journée, puis l'autre journée, des végétaux. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc, il n'y a pas nécessairement d'absolu à ce niveau-là. Et ça, c'est particulier. Fait que, en fait... Pour résumer les propos que je cherche à canaliser aujourd'hui, c'est que l'être humain a tout simplement à fonctionner en relation avec son esprit. Il n'a pas à se soumettre à une morale écologique comme on n'a pas à se soumettre à une morale religieuse ou une morale politique liée au communisme ou peu importe. L'être humain ne doit pas s'assujettir à des formes, mais doit procéder à partir d'une vibration intégrée qui le lie au plan pour agir avec intelligence dans sa vie de tous les jours, et ne doit pas croire ce qui est dit. Donc, par rapport à tout ce qui a été abordé là, dans le cadre de cet enregistrement, ne croyez pas à ce qui est dit, vérifiez intérieurement. C'est sûr que moi, en tant qu'ego, j'ai passé ma jeunesse à écouter des films de Walt Disney. Fait que c'est sûr que par rapport à l'avenir de l'humanité, j'aimerais ça avoir une histoire à la haute rose qui dirait que, bon, il y a des gens qui vont se conscientiser sur Internet et l'être humain va pouvoir... créer un équilibre avec la nature qui va empêcher éventuellement le déclin de la civilisation actuelle lié à l'exploitation et la surexploitation des ressources. Mais en réalité, il y a une période difficile avant que l'humanité entre dans son âge d'or, c'est-à-dire l'âge de la fusion où les êtres sont totalement intégrés avec elle. Il y a une période qui va être plus difficile et de contraction et sous tension. Donc, c'est sûr que dans les années... vers lesquels on se dirige, l'augmentation de la pollution va être galopante, l'augmentation de l'instabilité du climat et des changements climatiques aussi, et ça va amener des crises sociales et humanitaires, mais qui vont éventuellement servir la nécessité évolutive de l'humanité de se redéfinir en ce sens que si l'être humain réalise que la façon dont elle vit n'est pas viable, et qu'elle est confrontée à des limitations associées à cela, elle n'aura d'autre choix que de se redéfinir. Donc les gens devront tasser l'astralité qui les habite lorsqu'ils seront mis sous tension par l'esprit pour réaliser l'absurdité de leur mode de vie à travers notamment le phénomène de la souffrance. Donc c'est sûr que lorsque les gens souffrent de conditions associées à la pollution, ils ont une compréhension directe que ce n'est pas intelligent. Et c'est sûr que la problématique sur Terre, c'est qu'il y a par exemple des gens qui vont générer beaucoup de pollution, mais qui n'en connaissent pas les effets immédiats directs, et ceux qui en connaissent les effets immédiats directs, parce que par exemple, ils vont produire des vêtements en grande quantité et être exposés à des produits chimiques, puis eux autres, ils vont pas surconsommer les vêtements, mais ils vont les produire pour être capables de vivre, puis ils en paient le prix parce que leurs cours d'eau sont pollués, alors que la personne qui est en Amérique à des milliers de kilomètres qui achète ces vêtements-là par Internet, qui n'est pas exposé directement à leur souffrance, n'a pas nécessairement la compréhension de l'impact de ses actions. Puis, il ne va pas nécessairement la chercher. Mais si la personne en Amérique est confrontée à une problématique personnelle, associée à une maladie grave, associée à une perte d'emploi, peu importe, qui occasionne une remise en question, qui génère d'autres remises en question encore plus fondamentales, bien, c'est sûr que la personne peut changer son mode de vie si elle est mise en vibration pour ça. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, lorsqu'on regarde la situation planétaire, c'est un petit peu comme un jeu de dominos. Lorsque certains dominos vont tomber, il y en a d'autres qui vont tomber, et ainsi de suite. Donc, l'effet du déclin de la civilisation présente va être lié au fait de la limite du fonctionnement involutif et intellectualisé de l'ego. Donc, l'ego présentement est en puissance parce qu'en utilisant une science matérialiste et mécaniste, il y a certains gains de productivité, mais éventuellement, il y a des limites à ça. C'est un petit peu comme, par exemple, par rapport à la construction des routes et des autoroutes. Donc, si je pense entre autres à la ville de Québec, lorsque les autoroutes ont été créées, donc que ce soit dans les années 60, 70, les gens qui circulaient sur les autoroutes à l'origine, même chose pour Montréal, ils circulaient d'une manière qui était fluide à l'origine. Par contre, avec les années, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le progrès que représentaient les autoroutes, qui permettaient de se déplacer beaucoup plus rapidement que sur les routes de campagne. Donc, c'est sûr que si quelqu'un se promène dans une ville ou un village à 60 km/h et là va sur l'autoroute à 100, 110 km/h, il y a un progrès qui est là, une accélération de la vitesse. Sauf que si l'autoroute n'est pas réajustée au fil du temps en fonction de l'augmentation du flot, de la quantité de véhicules qui vont sur l'autoroute, qu'est-ce qui arrive? Bien, un peu comme pour des artères, bien, ils vont finir comme étant bouchés, les autoroutes. Donc, il y a des bouchons de circulation qui se forment. Donc, si l'autoroute qui a été un progrès au siècle dernier et qui a permis d'améliorer la situation de l'être humain en se déplaçant plus rapidement est freinée par une trop grande quantité de véhicules, bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain doit modifier sa façon de se déplacer pour devenir plus efficace. Ça peut être utilisé des autoroutes beaucoup plus grandes, ça peut être utilisé des moyens de transport en commun, où les gens, au lieu d'avoir chacun un auto individuel, vont dans des moyens de transport en commun, ou ça pourra être éventuellement, lorsqu'il aura la capacité de se matérialiser puis se dématérialiser à un endroit. Mais comme l'être humain n'est pas là et n'a pas cette capacité-là, bien là, il doit utiliser des formes physiques plus raffinées. Mais c'est sûr que chaque forme physique a ses limites. Donc, autant l'autoroute a été un progrès, autant l'autoroute connaît un plafonnement. Donc, l'autoroute qui a une augmentation au fil des ans galopante du nombre de véhicules, si je pense entre autres à la situation de la ville de Québec, mais comme il n'y a pas d'autres autoroutes qui sont générées, suffisamment grande pour compenser l'augmentation du nombre de véhicules, bien, qu'est-ce qui arrive? Il y a un point de saturation. Et c'est la même chose par rapport à l'humanité et l'utilisation des techniques industrielles, les techniques de production chimique et ainsi de suite. Donc, il y a un point de saturation par rapport à ça. Et tant que l'être humain fonctionne avec des formes limitées, que ce soit l'autoroute ou la productivité industrielle, bien, il vit un plafonnement parce que naturellement une forme c'est limitatif et tant aussi longtemps que l'être humain ne procédera pas à partir de l'énergie d'une manière intégrale, il ne pourra pas être en total équilibre avec l'environnement. Donc, mais ça, sur le plan collectif, pour qu'une humanité complète fonctionne avec la vibration d'une manière perpétuelle, ça on parle de changements qui vont s'échelonner sur plusieurs siècles. Donc, et d'ici là, ben, il va y avoir des crises. Comme par exemple, le fait que l'autoroute est bouchée, c'est une crise. Le fait qu'il y a des problèmes de pollution, c'est une crise. C'est quoi une crise? C'est un déséquilibre lié à l'imitation de quelque chose qui appelle un rééquilibrage plus grand. Même chose par rapport au documentaire écologiste que j'ai regardé au fil des ans. Ça sert à quoi? Ça sert à mettre l'accent sur le fait qu'il y a des déséquilibres sur Terre pour appeler un passage à l'action d'individus en vue de créer un équilibre plus grand. Et c'est à mesure que l'être humain va monter en maturité psychique et en conscience qu'il va avoir un rééquilibrage du rapport de l'être humain avec l'environnement et la nature. Donc, c'est ça que l'être humain doit réaliser aussi, que c'est l'influence astrale qui cherche à le dominer, qui l'amène à vouloir dominer la nature par affiliation psychique. Donc, c'est sûr que si l'être humain subit des rapports d'exploitation liés à un manque de centricité, ben, ça peut l'amener à exploiter la nature pour compenser ce manque d'énergie. Donc, c'est sûr que si l'être humain est parasité psychiquement dans ses énergies vitales par des entités astrales, dont il n'a pas la conscience parce qu'il ne réalise pas que la pensée vient d'ailleurs, ça peut l'amener à parasiter son environnement lié à son inconscience. Et si les êtres inconscients cherchent à générer et augmenter son niveau d'inconscience, ça peut l'amener à agir d'une manière de plus en plus inconsciente par rapport à son environnement et ça crée des cercles vicieux. Lorsque l'être humain ne sera plus sous l'influence d'entités astrales, bien à ce moment-là, il va arrêter de polluer l'environnement. C'est un manque d'intelligence, c'est très destructeur. L'être humain, en fait, se met lui-même dans une situation potentielle d'extinction parce que lorsque les espèces animales seront pour la plupart en voie d'extinction, et si l'être humain se nourrit d'espèces animales, ben, c'est lui-même qui se met en voie d'extinction parce que s'il n'a plus de nourriture, ben, il ne peut plus exister dans sa condition actuelle. Donc, vous voyez un petit peu le cercle vicieux. Donc, autrement dit, en détruisant l'environnement, c'est l'être humain qui menace sa propre survie en créant des déséquilibres. Et pourquoi qu'il fait ça? Ben, c'est parce qu'il n'y a pas de vision à long terme. Il y a un ego avec une intellectualité limitée qui ne permet pas de comprendre les causes et les conséquences fondamentales de ses actions. Pourquoi? Parce qu'il manque de puissance de pénétration psychique. Pourquoi qu'il manque de puissance de pénétration psychique? C'est parce qu'il n'est pas fusionné avec le plan mental. Et s'il aurait une fusion intégrale avec le plan mental, il aurait une compréhension intégrale de la portée de ses actions instantanément, ce qui fait en sorte qu'il ne créerait plus de karma par rapport à l'environnement, de déséquilibre dans son rapport à l'environnement, qui peut occasionner, par exemple, des épidémies, qui peut occasionner, par exemple, des situations de famine liées au fait que des troupeaux d'animaux éventuellement seront disséminés, liées au fait que si il y a un surélevage d'animaux, ça va tendre à fragiliser l'exploitation, parce qu'il suffit que des êtres de cet élevage-là soient contaminés, qu'en contaminent d'autres, et la propagation se fait en grande quantité. Donc, ça va occasionner par la suite des problèmes de santé extrêmement graves. Donc, si vous avez, par exemple, un troupeau où il y a 10 vaches qui sont malades, bien, c'est pas trop pire, mais s'il y en a 50 000, bien là, ça représente une grande perte énergétique, ça représente aussi plus de nourriture qui n'est pas disponible à l'être humain. Et si l'être humain est confronté à des situations où des troupeaux d'animaux, parce qu'ils sont en trop grande quantité, dans une trop grande rapprochement, promiscuité, sont élevés, ben, puis il y a des pertes massives de milliers de bêtes, ben, ça fait quoi? Ça fait augmenter les prix. Si ça fait augmenter les prix, bien, les gens qui ont moins d'argent ont moins la capacité d'en acheter. S'ils n'ont pas la capacité de se nourrir d'une manière adéquate, ben, ils vont se révolter contre la situation. S'ils n'ont pas de filet social comme l'aide sociale au Québec, ben, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, ces gens-là vont semer, pour des raisons de nécessité, ben, ils peuvent vouloir voler dans des supermarchés, et ainsi de suite. Donc, il y a un effondrement possible des structures actuelles de l'humanité liées à une mauvaise gestion. Et c'est sûr que à la mesure qu'on va avancer dans les prochaines années, il y a une tension qui est présente, liée au fait qu'il y a une mauvaise gestion de l'environnement qui est faite, que l'être humain a subi les contre-coups, comme par exemple la trace dans son tissu génétique de pesticides, de polluants et de métaux lourds. Donc, s'il y en a de plus en plus, ça peut occasionner des maladies comme des cancers. Donc, tout est interrelié sur Terre. Donc, c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que la pollution que fait vivre l'être humain dans son inconscience au reste de la vie sur Terre a des répercussions sur les règles de vie et aussi sa propre existence. Et c'est sûr que tout ça amène une situation de tension qui va forcer, comme mentionné tantôt, l'être humain à se redéfinir. Et ça va être une nécessité évolutive pour des raisons de survie, parce que s'il ne se redéfinit pas créativement, l'être humain va concourir à sa propre extinction. Tout simplement. Donc, l'humanité devra évoluer et c'est une nécessité pour pas que l'humanité, dans les conditions actuelles, concourt à sa propre perte. Mais de toute façon, ça ne sera pas permis par les plans de la lumière, parce que les plans de lumière vont mettre en vibration des gens pour favoriser un renouvellement psychique de l'humanité. Par contre, ce qui arrive, c'est que les plans de la lumière sont confrontés à des limites liées aux capacités des corps des individus d'intégrer leur lumière. Et c'est ça qui limite la descente de l'énergie, parce que si l'être humain est confronté à une trop grande descente d'énergie en lui de par l'esprit, ben, il va devenir déséquilibré, puis va sombrer dans la folie, puis la déficience psychique. Et c'est pas ce que veulent les plans de lumière. Donc, eux autres, ils veulent qu'il y ait un peu d'énergie qui descende pour favoriser une évolution. mais ils ne peuvent pas faire descendre autant d'énergie qu'ils le devraient pour permettre un rééquilibrage rapide et immédiat de l'humanité, ce qui fait en sorte que le rééquilibrage est progressif en fonction des individus qui sont capables de capter et d'agir consciemment en parole et en action en fonction de la canalisation d'énergie qui descend. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les plans à la lumière ont en composé avec un être humain qui est limité, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas nécessairement faire ce qu'ils veulent avec l'être humain, mais ce qu'ils peuvent, compte tenu de sa capacité d'absorption. Et l'être humain doit être capable d'accepter ses limites, parce que s'il se sent coupable d'être limité, il y a un problème. Donc, il ne faut pas sentir coupable d'être limité si on n'a pas la capacité d'être autrement, parce que sans ça, c'est une perte d'énergie fondamentale. Donc, c'est comme si la personne se sent coupable parce qu'elle va manger au restaurant de la viande ou des légumes, alors qu'elle ne peut pas faire autrement. Donc, si vous sentez coupable à chaque fois que vous mangez de la nourriture puis vous empêchez de dormir, vous allez être en perte d'énergie et c'est stupide. Donc, vous voyez un petit peu où ce que je veux en venir, c'est que l'être humain doit assumer sa condition, mais agir intelligemment en fonction de ce qu'il est capable d'intercepter, tout simplement.